Premier tableau, chapitre 2 de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir par Georges Courteline. Premier tableau, chapitre 2. À la tristesse morne de la rue Vaneau, la direction générale des dons et legs ajoute la noire tristesse de sa façade sans un relief et de son drapeau dépenaillé, tourné à la loque déteinte. Au-dessus du porche colossal qu'elle chevauche inégalement, voûte profonde où de perpétuels courants d'air galopent à travers la pénombre, elle étage trois rangs de funèbres fenêtres, si étroites et si hautes, qu'elles semblent écrasées entre les épaisseurs rembourrées de leurs volets. Plus haut encore, empiétant de leur base vermoulue jusqu'en une gouttière formidable d'où l'été pleut une ombre épaisse, l'hiver, la coulée lente des neiges entassées, six mansardes alignées de fronts s'enlèvent sur le ciel en créneau. Vue de loin, de la direction des cultes, sa voisine, elle paraît une sombre lézarde aux murs laiteux des hôtels Capricciani et Lamazère Saint-Gratien, qui, de droite et de gauche, la flanque. De près, elle a la mélancolie pénétrante des choses, la grotesquerie attendrissante d'une pauvre vieille fille sans gorge, au teint de boue haché de gerçure. Et par ses vitres exiguës, closes sur le noir éternellement, elle répand une désolation de maison abandonnée, ou que viendrait visiter une brusque attaque de choléra. Il semble qu'à travers ces épaisses murailles passe, transpire, s'évapore pour en infester le quartier, la solitude glaciale de ces interminables corridors, aux dalles sonores que lèche du matin au soir la lueur agonisante d'un gaz mi-baissé. Sans qu'on sache au juste pourquoi, on devine le vide immense de cette caserne, la non-vie des 30 ronds de cuir noyés dans son vaste giron. On pressent le silence sinistre de ses bureaux inoccupés et de ses archives lambrissées. Catacombes administratives qu'emplit tantôt un froid de glace, tantôt une chaleur d'étuve, et où dorment pêle-mêle, sous un même linceul de poussière, des ballots de dossiers entassés, des chaises éventrées, des cartons en lambeaux, jusqu'à des chenets et à des chaussures moisies. Toute une saleté de matériel hors d'usage, amenée là à coups de balai des quatre coins de la maison et achevant d'y pourrir en paix dans une promiscuité dernière. Mixte, bâtarde, équivoque, d'une austérité de monastère que mitigerait la banalité d'un magasin à fourrage, elle est juste, au ministère, ce que l'institution Pédelou est au lycée. Elle sue son inutilité, elle la crie aux passants convaincus. Elle est comme ces gredins malchanceux qui portent leur scélératesse sur leur visage et dont le regard louche édifie. Seul, le portier égaye la situation de sa tête de chimpanzé officiel qu'écrase l'ampleur phénoménale d'une casquette officielle aussi. Justement, il fumait sa pipe sur le trottoir quand Larrier déboucha de la rue Bellechasse. Il lui tourna le dos aussitôt, regarda dans la direction opposée, histoire de ne pas le saluer au passage. Il geignait. 3h20, c'est à tuer un être pareil. Il le tenait en mépris hautain, écœuré dans sa droiture de fonctionnaire consciencieux qu'honore la fidélité au devoir, le zèle à tirer le cordon et l'attachement bien connu aux institutions qui nous régissent. Laurier passa outre, franchit le porche, s'engagea dans le tire-bouchonnement d'un escalier de service spécialement affecté à l'usage du personnel. Il atteignait le troisième palier lorsque Ovide, son garçon du bureau, sortit du chenil ténébreux qu'il abritait. Un trou infect, sans air, creusé à même la muraille, et où des cuivreries de lampes astiquées allumaient tout au fond une série d'étoiles. « Chez le chef !» dit ce serviteur laconique. Larrier, étonné, s'arrêta. « Quoi ?» Ovide daigna s'expliquer. Il y a le chef qui a dit comme ça que vous alliez lui parler, sitôt que vous seriez ici. » Le jeune homme flaira une tuile. De son mieux, il réprima un geste de contrariété. « Ah, bon, parfaitement. Merci. » Et, enlevant son chapeau, « Bien aimable, Ovid, si ça ne vous fait rien de me garder ça une minute. » Déjà, il était loin. Il frappait discrètement à la porte de son chef. Une voix lui cria « Entrez !» Il obéit. Plus vaste qu'une halle et plus haut qu'une nef, le cabinet de M. de la Hourmerie recevait, par trois croisées, le jour, douteux pourtant, de la cour intérieure qu'emprisonnaient les quatre ailes de la direction. Derrière un revêtement de carton vert, au coin usé, au ventre solennel et rond des notaires aisés de province, les murs disparaissaient des plaintes aux corniches, et l'onctueux tapis qui couvrait le parquet d'un lit de mousse ratondu, le bûcher qui flambait clair et la cheminée, l'ample chancelière où plongeaient à côté les pieds de M. de la Hourmerie, trahissaient les goûts de bien-être, toute la douilletterie frileuse du personnage. Lahrier s'était avancé. « Je vous demande pardon, monsieur, » dit-il avec une déférence souriante. « Il y a 2 heures que je suis ici, et cet imbécile de vide songe seulement à m'avertir que vous m'avez fait demander. » Couché en avant sur sa table, consultant une demande d'avis qui l'écrasait de sa myopie, monsieur de la Hourmerie prit son temps. À la fin, mais sans que pour cela il s'interrompît dans sa tâche, « Vous n'êtes pas venu hier, » dit-il négligemment. « Non, monsieur, » répondit Lahrier. « Et pourquoi n'êtes-vous pas venu ?» L'autre n'hésita pas. « J'ai perdu mon beau-frère. » Le chef, du coup, leva le nez. « Encore ?» Et l'employé, la main sur le sein gauche, protestant bruyamment de sa sincérité. « Non, pardon, voulez-vous me permettre ?» s'exclama M. de la Hourmerie. Rageur, il avait déposé près de lui la plume d'oie qui, tout à l'heure, lui barrait les dents comme un mort. Il y eut un moment de silence. La brusque accalmie, grosse d'angoisse, préludant à l'exercice périlleux d'un gymnaste. Tout à coup. Alors, monsieur, c'est une affaire entendue? Un parti pris de ne plus mettre les pieds ici? À cette heure, vous avez perdu votre beau-frère. Comme déjà, il y a 8 jours, vous aviez perdu votre tante. Comme vous aviez perdu votre oncle le mois dernier. Votre père à la Trinité, votre mère à Pâques. Sans préjudice, naturellement, de tous les cousins, cousines et autres parents éloignés que vous n'avez cessé de mettre en terre à raison d'un au moins la semaine. Quel massacre! Non mais, quel massacre! A-t-on idée d'une famille pareille? Et je ne parle ici, notez bien, ni de la petite sœur qui se marie 2 fois l'an, ni de la grande qui accouche tous les 3 mois. « Eh bien, monsieur, en voilà assez. Que vous moquiez du monde, soit. Mais il y a des limites à tout. Et si vous supposez que l'administration vous donne 2400 francs pour que vous passiez votre vie à enterrer les uns, à marier les autres ou à tenir sur les fronts baptismaux, vous méprenez, j'ose le dire. » Il s'échauffait. Sur un mouvement de Lahrier, il ébranla la tête d'un furieux coup de poing. « Sacredier, monsieur, oui ou non, voulez-vous me permettre de placer un mot ?» Là-dessus, il repartit, il mit son cœur à nu, ouvrit l'écluse au flot amer de ses rancunes. Il flétrit l'improbité. « L'improbité, parfaitement, je maintiens le mot !» Des employés amateurs, sacrifiant à leur coupable fainéantise la dignité de leur fonction, jusqu'à laisser choir dans la déconsidération publique et dans le mépris sarcastique de la foule l'antique prestige des administrations de l'État. Il s'attendrit à exalter la direction des dons et legs, la grande bonté du directeur, les traditions quasi familiales de la maison. Une phrase en amenait une autre. Il en vint à envisager le fonctionnement de son propre bureau. Vous êtes ici 3 employés attachés à l'expédition. Vous, Monsieur Soupe et Monsieur Letondu. Monsieur Soupe en est aujourd'hui à sa 37e année de service et il n'y a plus à attendre de lui que les preuves de sa vaine bonne volonté. Quant à Monsieur Letondu, c'est bien simple, il donne depuis quelques semaines des signes indéniables d'aliénation mentale. Alors quoi? Car voilà pourtant où nous en sommes. Et il est inouï de penser que sur 3 expéditionnaires, l'un soit fou, le 2e gâteux et le 3e à l'enterrement. Ça a l'air d'une plaisanterie. Nous nageons en pleine opérette. Et naïvement, vous vous êtes fait à l'idée que les choses pouvaient continuer de ce train. » Le doigt secoué dans l'air, il conclut. « Non, monsieur, j'en suis là, moi, des enterrements et des catastrophes soudaines et des ruptures d'anévrisme et des gouttes qui remontent au cœur et de toute cette turlupinade de laquelle on ne saurait dire si elle est plus grotesque que lugubre ou plus lugubre que grotesque. » « C'en est assez, c'est assez, vous dis-je. Je vous dis que c'en est assez sur ce sujet. Passons à d'autres exercices. » Désormais, c'est deux choses l'une. La présence ou la démission, choisissez. Si c'est la démission, je l'accepte. Je l'accepte au nom du ministre et à mes risques et périls, est-ce clair? Si c'est le contraire, vous voudrez bien me faire le plaisir d'être ici chaque jour sur le coup d'11 heures, à l'exemple de vos camarades, et ce, à compter de demain. Est-ce clair? Et j'ajoute que le jour où la fatalité, cette fatalité odieuse qui vous poursuit, semble se faire un jeu de vous persécuter, viendra vous frapper de nouveau dans vos affections de famille, je vous ferai flanquer à la porte. Est-ce clair? D'un ton dégagé ou percé d'une légère pointe de persiflage. Parfaitement clair, dit Lahrier. À merveille, fait le chef. Voilà prévenu. Et vous savez, n'ayez pas l'air de vouloir faire le malin, ou ça va. Il s'interrompit, averti par un discret d'une présence insoupçonnée. Lahrier, du même coup, avait tourné la tête, et tous deux, ils fouillaient le lointain de la pièce où se dandinait, saluant les murs de droite et de gauche, un petit vieux monsieur, au crâne nu, au visage mangé de barbe grise. Peut-être avait-il toqué sans que la timidité de son appel, noyée dans le bruit de la discussion, fût parvenue aux oreilles intéressées. Le fait est qu'il se trouvait là, rivé au sol, avec la contenance gênée de l'homme tombé mal à propos dans une discussion de ménage. Assez sèchement vexé à la vérité d'avoir été surpris dans son linge sale. « Qui êtes-vous, monsieur, et qu'est-ce que vous voulez ?» demanda de sa place monsieur de la Hourmerie. Le petit vieux monsieur répondit. « Je vous prie de m'excuser, monsieur. Le chef du bureau des legs, s'il vous plaît. C'est moi-même. » Cette révélation détermina chez le visiteur une brusque projection en avant de toute la partie supérieure de son être. Presque il baisa la terre dans son empressement de courtoisie. Et un instant, par le bâillement postérieur de son faux col, on distingua sa nuque en forme de gouttière, la naissance de son échine baignée de mystérieuses pénombres. Immédiatement, il s'était mis en branle. Il semblait qu'il marchât sur une couche de beurre, tant ses pieds sonnaient peu au moelleux du tapis. Il se nomma. « Je suis le conservateur du musée de Vanne-en-Bresse. Le... » Quelque volonté qu'il eût de se contenir, monsieur de la Hourmerie changea de couleur. Et tandis que lui venait aux lèvres le mot « prenez donc une chaise », la pensée lui venait à l'esprit. « Sacredier, le legs qui bolle, et cette brute de Van der Hogen qui en a égaré le dossier. » Fin du chapitre 2 du premier tableau.